très drôle, c'est que vous aimez bien là où il se passe quelque chose d'immédiat. Oui, de violent. De oui. violent, de l'amour qui se déchire, qui se retrouve. Et ça, dans vos choix, c'est votre première oui, quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas si vous m'interrompez pas. C'est à demain soir, 21h. La parole. Manac.